D'abord, il va apparaître dans les airs où seulement les vrais chrétiens vont le voir. La Bible parle de ceux qui auront cru. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Mitunananga Yesu Bibiano Mabina salaki yango itinyana emba Bila kaiza laki nanzila Ngandi na tosi malobanote Limbisa Naleki saki tango nangayi Namisengo mokilioyo Moi j'ai passé tout mon temps Dans les choses de ce monde Nazoui elo kote Limbisa masumu nangayi Ngoluba kabila kinga na mawa Nasangani nango Tala place kuminga muke muke Ngaye Takuma bobenge langa baplinyan Basama ponanga na miswa tatanzambe C'est déjà trop tard Nazomona mbaninga bazomata Blise kumatanga natikali nase Nazaka kamwana ye En signe de repentance Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Bimbi Samba Mungu ninge nini masume zola tanto Tulungai Bomba bina buiku sala Yangu nina saliko sala Malamu na ningi Ngamoko na koki Ya Yesu bakosa kingai Satana suluka bumu inangai Beba ye Soki na boga kiko bandela zero Ndinga ina bandeli Na tosi maloba mama tikela kinga Nga Satana la delinga poswa meme Uko silanga maka mpunga na kuya Na sali ninye Nini tinda kinga I Nini tinda kinga e Zoto yu pamba e Si pamba e Un jour nous mourrons et nous rendrons compte de nos actes face au Père. Une fois là-haut, nous chercherons peut-être à nous justifier et même à nous repentir. Mais il sera trop tard. Mon frère, ma sœur, repentons-nous tant qu'il est temps.